Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 3, du samedi 8 septembre 1883. Page 4, colonne 2. Worcester, Massachusetts. Le montant de la collecte faite par le révérend M. Connetty pour le fonds Parnell s'élève à la somme de 8 814,75 $. Il y a eu pendant la semaine dernière en cette cité 25 décès, dont 13 d'enfants au-dessous de l'âge de 5 ans. Les Canadiens français de Worcester, dont les noms suivent, paient des taxes annuelles dépassant 100 $. Dr. N. Jacques, 211 $. Joseph Benoît, 158 $. Léon Robert, 137 $. Honoré Beauvais, 135 $. La paroisse Notre-Dame paie 160 $. Mardi soir, les Républicains ont eu leurs assemblées préparatoires qui ont été fréquentées en grand nombre. On a remarqué que le quartier 4 a eu la plus nombreuse assemblée de Républicains connue jusqu'à présent dans ce quartier. Partout, il a été nommé des délégués pour se rendre à la prochaine convention d'État des Républicains à Boston. Le révérend M. T. Gertin, de Saint-Hugues, PQ, a été nommé vicaire de la paroisse Notre-Dame de Worcester et est arrivé en cette cité samedi dernier. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue en exprimant l'espoir qu'il restera de longues années parmi nous. Lundi, pendant la nuit, il s'est produit une forte gelée dans toutes les parties du pays et des dommages sérieux ont été faits aux récoltes. À Upton, la gelée était tellement forte qu'il a été possible d'aller en traîneau mardi matin. Les dommages sont estimés à plusieurs milliers de dollars. M. L. V. Fontaine, négociant, de la maison Fontaine & Reeves, de Taftville, Connecticut, était de passage en cette ville mardi dernier, en route pour le Canada, où il allait conduire deux de ses fils qui vont faire leurs études au collège de Saint-Césaire. M. Fontaine nous a fait l'honneur d'une visite à nos bureaux. Le même jour, nous avons aussi eu une agréable visite de M. P. A. Reeves, négociant, de Manville, qui revenait du Canada après une absence de 2 semaines. Ce compatriote retourne au milieu de ses amis, enchanté du beau voyage qu'il vient de faire. Le petit Harry, âgé de 12 ans, fils de Franklin B. Toyd, numéro 143 rue Chandler, qui a été foulé par un char arrosé au coin des rues Chandler et Piémont il y a un mois, se trouve bien près de la mort. Il avait eu les deux jambes écrasées. Il est à craindre qu'il n'existe de lésions internes. Il a été presque toujours sans connaissance pendant la dernière quinzaine et on nourrit peu d'espoir de le sauver. L'aide des nourrices du Dr. N. Jacques est un remède infaillible pour toutes les maladies dont les enfants au berceau sont trop souvent sujets. C'est ce sirop calmant et reconnu supérieur à toutes les médecines de ce genre et il soulage la douleur en quelques minutes. Cette excellente médecine se vend chez tous les pharmaciens au prix de 25 cents de la bouteille. Voir l'annonce de la pharmacie française dans une autre colonne. L'acte de consolidation des chemins de fer Nashua and Worcester et Nashua and Rochester vient d'être voté par les deux chambres de la législature. Il ne lui manque plus que la signature du gouverneur pour acquérir force de loi. Quoique ce soit un acte de consolidation de chemin de fer appartenant à deux États, il n'a pas été question, parmi les populations, que c'était une menace pour les libertés publiques. Un acte du même genre a été repoussé il y a 2 ans, mais actuellement que la législation est devenue générale au lieu d'être spéciale, toutes les difficultés ont disparu. Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur l'annonce publiée dans une autre colonne de la compagnie d'importation de thé de New York qui vient d'ouvrir une succursale au numéro 534 rue Main, Worcester. Le thé et le café se vendent par canette à raison de 1 $ l'une. Des milliers de personnes ont déjà trouvé des cadeaux de valeur, depuis 10 cents jusqu'à 50 $, dans ces canettes à partir de l'ouverture de ce magasin d'un genre nouveau en cette ville. Monsieur V. Bélanger, copropriétaire du courrier de Worcester, a trouvé mercredi dernier dans une canette contenant 3 livres d'excellent café un bouton en or avec diamant pur de la valeur de 25 $. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2013 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.